C'est un grand chêne, refaire le monde plein de roses, des fleurs, des cheveux, des idées blondes à donner à ces rêveurs exaspérants, avec leur sac et leur guitare, fabricant de l'utopie pour un bout de papier, à les jurant sur nos plages en notant tous leurs pavés, en disant bien, que l'avenir est rêveur. Battu une échelle avec sa grande échelle, on peut se rendre à la lune. Il m'a donné un ticket gratuit et allez, allons-y. Là-haut sur la lune, j'ai fait des lettres, kilomètres, et j'ai écrit l'avenir est rêveur.